Le panneau de signalisation à fond jaune signifie que je vais rencontrer, en raison de travaux, un groupe de feux tricolores temporaires qui peut être au jaune clignotant ou avoir un cycle normal, vert, jaune et rouge. Je circule hors agglomération. Le danger annoncé, qu'il soit permanent ou temporaire, est donc situé à 150 mètres environ. En présence de ce signal, comme lorsqu'un danger est annoncé, je réduis mon allure. Réponse B et C.